Troisième chapitre. Salut, maître Guivarc. Ah, bah, c'est toi, mon garçon. Et quel bon vent t'amène ce matin, que tu es gréé à neuf parés, suivez que tu as l'air d'un vrai soleil, ou de la triomphante, quand nous lui avions fait sa toilette des grands jours. Tonton Corentin, lèvres épanouies, plus cramoisi qu'une bassine de cuivre astiquée, se tenait immobile dans l'embrasure de la porte, regardant autour de lui d'un air à la fois intimidé et satisfait. Ses yeux allaient d'un meuble à un autre, indécis et brillants. Le maître de port, assis devant une table couverte de copeaux et de morceaux de bois, ratissait minutieusement, de son vieux couteau de matelot, une longue baguette qui devait servir de grand mât au bateau qu'il s'amusait à fabriquer en ses heures de loisir pour occuper ses doigts, comme il disait. C'était curieux de voir l'habileté de ces lourdes mains noueuses, à demi ankylosées par les années de dur service, manœuvrant adroitement les petites poulies, les fétus de bois, les vergues, tous les minces objets délicats, déjà sortis du fil de ce gros eustache à manches de corne. « Allons, viens t'asseoir là et causons. » Machinalement, le pêcheur avait pris une chaise. Son béret entre les mains, toujours souriant, il balançait la tête, ne paraissant savoir comment entamer l'entretien. Se décidant enfin, il louvoya par cette remarque. « Un bateau que vous faites, capitaine ?»« La triomphante elle-même, rien que cela !» répondit Pierre. « Ah ! Un fameux, je t'en réponds, si tu l'avais vu au jour d'alors dans les mers de Chine, ça qui était beau !» L'autre acquiesçait, n'osant plus interrompre, voyant le bonhomme parti pour une de ces histoires que le plus mince prétexte déroulait sur ses lèvres, interminablement, comme par les bossoirs la chaîne d'une ancre qu'on jette à la mer. « Sais-tu qu'elle nous a menés à la prise de cette ville, telle que je te le dis ? En voilà une affaire, et des choses à ne pas croire. Tiens, pour t'en donner une idée, à Kazin, j'arrive troisième à l'assaut, une chance. Le deuxième, un fourrier de la marine, avait été tué. J'étais alors second maître. Bon, voilà-t-il pas qu'en arrivant, en sautant, je me foule le pied. Au diable, ça n'allait pas, d'autant plus qu'un cavalier débouche tout à coup de derrière un mur, sans doute celui qui avait tué déjà le fourrier. Bah, tant pis, je l'attends de mon mieux, et, à 10 mètres, je l'abats. Je prends son cheval à cause de mon maudit pied, mais une histoire. Ce sauvage de petit tartare à crinière longue, mauvais comme une gale, m'emporte à travers la ville sans que je puisse l'arrêter. Mon compte est clair, que je pense. Il enfile des rues, et je tombe au milieu d'un tas de Chinois. Je me dis, je suis flambé. Pas du tout. Voilà tous mes magots qui se précipitent à terre, se prosternant sans oser me regarder. Ils me prenaient pour quelqu'un de leurs démons. Tout de même, j'ai été enfin bien heureux de rencontrer les marins de la Triomphante, et après m'être souqué le pied solidement, j'ai pu revenir à bord. » Il semblait si heureux de remuer ses souvenirs d'ancien Mathurin que Garrec n'osait l'interrompre et abondait dans le même sens. Il s'écria « Vous en avez vu, Madoué ?» Encouragé, Guivarc, sans lâcher son bout de bois, repartait. « C'est comme une autre fois, un coup de bonheur que nous avons fait à deux. » C'était une ville, un coquin de nom. Enfin, passons. J'entre, personne nulle part. Un jeu de cache-cache, quoi. Je flâne. Bon, voilà que je rencontre un zéphyr en maraude comme moi. Nous voyons une maison qui nous semble belle. Nous nous engageons dans l'escalier. Un escalier d'1,50 m de large environ. Et nous allons donner de la tête contre une trappe, empêchant d'arriver au premier étage. C'était pas dans les choses naturelles. Le zéphyr essaie d'ouvrir, de pousser... « Impossible. Je m'y mets et, à deux, ça cède. Il y avait là une chambre avec des lits encore chauds. Faut voir que je dis en montrant une petite porte placée dans le panneau. J'ouvre. Misère de Dieu! Ça donnait sur une cour où se tassaient les uns contre les autres au moins 200 Chinois. Il n'y avait pas à hésiter où nous étions pris, nettoyés, nets. Nous faisons un tapage d'enfer, criant, appelant, comme si une troupe nombreuse était avec nous, et nous ordonnons aux faces jaunes de jeter leurs armes. Terrifiés, ils obéissent, puis, les faisant sortir successivement, nous te les amarrons par la queue, souqués les uns aux autres, que ça faisait une file n'en finissant plus. Nous plaçons en tête 3 femmes qui s'y trouvaient aussi, et en route, mauvaise troupe. À nous deux, le zéphyr, nous les amenons au camp. Quel accueil! C'est historique, tel que je te le dis, tu sais ? Il riait, sa petite tête d'oiseau de mer fièrement redressée, une flamme neuve dans l'embu de ses yeux pâles, réchauffée par ce souvenir de jeunesse héroïque, le cœur dilaté, dispos aux joies, à la bonne humeur. Corentin en profita, glissant. « Vous me demandiez pourquoi ma coque radoubait à neuf, capitaine ? Eh bien, voilà la chose en grand. » Il s'arrêta, plus ému que lorsque, la barre au poing, il conduisait le canot de sauvetage au péril de la mer, à travers les récifs, les vagues hurlantes. Maître Guivarc, presque au courant, sentant que c'était enfin cette grosse chose qui allait sortir, après tant de mois écoulés à l'attendre, se pencha vers lui, prêt à bavarder, à le devancer dans une satisfaction impatiente et prématurée, une envie de lui crier « Va donc, grand enfant, je sais bien de quoi il retourne !» Garrec reprenait. « C'est rapport à mademoiselle Marianic que j'ai rencontrée ce matin, et alors nous avons causé. Enfin, comme de juste, je viens vous demander sa main. » Le maître de port posa tranquillement son couteau à manche de corne, redressa la tête et tendant sa large main. « Pas malheureux que tu te décides, Corentin. J'ai cru que ce serait moi qui devrais aller à toi. Si la Marianic veut de toi, et je le pense, c'est chose dite, tu le sais bien. Allons, top là, mon gendre !» Déjà la rude poigne du pêcheur lui enfermait les doigts à les broyer et le rire secouait toute sa face flambante de plaisir. « Ce matin, nous nous sommes promis d'être mariés femmes. Je t'espérais plutôt, j'avoue, et tout l'hiver a passé. » Tonton Corentin eut une moue indécise, comme s'il eût renfoncé au fond de sa gorge des aveux qui voulaient sortir, l'explication de ces nuages troubles qui avaient enténébré son cœur, jeté son âme durant quelque temps en une si épaisse obscurité. Mais il se ravisa, disant seulement « J'avisais à compléter mon magot avant de me mettre en ménage, parce que, voyez-vous, il ne faut pas que la Marianic se trouve plus mal chez son mari que chez son père. » Cela fut souligné d'un expressif regard à tout ce qui l'entourait et lui semblait plus cossu que l'intérieur modeste d'un simple pêcheur comme lui. Il poursuivit. « Voilà justement que la sardine arrive. À Audierne, ils ont commencé. À Concarneau, au Guilvinec, c'est notre tour bientôt. Ça s'annonce pas mal, qu'on m'a dit. » « Oh, il n'y a pas à avoir de souci avec toi, je sais. » Guivarc s'était levé, furetant le long d'un placard. Il revint, une bouteille à la main, deux doigts enfoncés dans deux verres à pied. « Nous allons boire à ton mariage. » Et disposant le tout sur la table, « C'est un vin d'épave, tu m'en diras des nouvelles. Une couleur, un parfum, Le liquide d'un rouge un peu jaune scintilla d'un éclat de rubis, tandis que le maître de port, levant son verre, le faisait miroiter près de la fenêtre dans un rayon de soleil. Il le porta à ses lèvres avec un certain respect. « Ah, dame, on n'en trouve pas tous les jours. Ça remonte loin aussi, du temps que j'étais à l'Abervrac. » Corentin buvait, savourant de la langue et du palais. « C'est du velouté. Oui, et sans les ivrognes de là-bas, tout le pays en aurait eu sa suffisance, à ne savoir qu'en faire. » Au moins 1 500 000 francs de marchandises qu'il y avait sur ce bateau-là, de quoi enrichir tous les habitants. Son nez hochait par saccades régulières. C'était en 1876 ou en 1877, une goélette anglaise qu'un sacré coup de mer poussait toute voile dehors vers la Bervrac. Rien qu'à la voir aller, on devinait qu'il n'y avait plus un homme à bord, abandonné, quoi. Alors les canots partent pour l'accrocher et la sauver. Mais une fois dessus, mes gredins trouvent du vin, des liqueurs, un chargement complet. Ils oublient la tempête, ils oublient ce qu'ils sont venus faire, et les voilà attablés, à boire. Oh diable! Ils n'ont eu que tout juste le temps de se sauver dans leur barque, tandis que la goélette, non gouvernée, se jetait sur les récifs du Libinter, où elle a été broyée en 10 minutes. On en a retrouvé quelques bouteilles dans les sables à marée basse. Celle-ci en vient. Par exemple, je ne sais pas quel vin ça peut bien être. Bah! Assura Garrec. Il est bon tout de même. Un vin de demoiselle peut-être un peu, mais pour un mariage, c'est ce qu'il faut. Un rire secoua les larges épaules de Corentin qui approuva, tout réjoui, ne trouvant pas de mots pour traduire son contentement, cette satisfaction intime coulant au fond de son cœur, roulant à travers ses veines, à plein bord, comme un puissant fleuve de vie. En regardant le visage si franc, si joyeux de son futur beau-père, il se reprochait maintenant d'avoir tant hésité à formuler sa demande. d'avoir eu des craintes qui lui semblaient à cette heure dénuées de toute raison. Il s'engourdissait dans une sorte de complet bien-être, jouissant de se sentir là en compagnie de ce brave homme qui jamais ne lui avait paru aussi bon et que sa pensée revêtait tout à coup de 1000 qualités dont il ne se doutait pas auparavant. Derrière eux, la grande horloge battait monotone et régulière. Tonton Corentin écoutait ce bruit familial qui semblait mesurer des heures calmes, des heures de paix reposante, des heures de bonheur domestique. C'était là que Marianic avait vécu sa vie de jeune fille, là qu'elle allait et venait chaque jour. Une chanson arriva d'une pièce voisine. Il souriait déjà, la tête inclinée légèrement sur l'épaule. Guy Varc comprit sa méprise et fit bonhomme. « Yvonne !» Ah oui, la folle, il n'y pensait plus. Mais ce nom ramena dans sa pensée le souvenir du frère, de ce revenant qui lui avait donné tant de soucis. Pourquoi s'en inquiéter maintenant que tout était terminé, conclu? Ce n'était sûrement pas Pierre Guy Varc qui reviendrait sur la parole donnée, sur l'engagement pris. Son cœur se rasséréna et se concentra tout entier, comme les rayons d'un pur et ardent foyer, sur Marianic.